Je mets la couverture sur ces rappeurs comme Slobota. Miséricordomanais. Le plat concert est tellement bon que tous ces crevards laissent l'assiette. Choix disons qu'on perd, mise en valeur sur un beau poster. Ramène ta clé que je l'enterre, terre. Blouse blanche ou quatre blancs, si tu touches à ma pharmacie. Comme un rap français en sursis. Lyrique sur mesure, pas de salive gaspillée. Je les soulève tous, moi et mes bras cassés. Pimel John dans vos mères, je me crois dans Calop. Je coupe la soupière, tous ces MC à la Jigsaw. Roxia dans ta sono, fais péter, boy. Salut ton clair, mon arrivée en terre balisée. Tu fais de la bonne petra, mais des sales peuras. Je prends tes affaires et bouge de chez moi. Espèce de mange-merde. Je suppose que la conversation est finie.